Il me revient d'enchaîner après ce brillant exposé par Céline sur le troisième point de cet appel qui concernait donc la réforme de la formation des enseignants, qui avait été un point de mobilisation important en 2009 et qui, dans le cadre de cet appel, a une situation un peu spécifique, tout simplement parce que le diagnostic de l'échec de cette réforme est réalisé. Il est très clairement posé, largement reconnu. On connaît l'extrême difficulté de la première année des enseignants stagiaires. Tout le monde a entendu parler du démantèlement, de l'affaiblissement des IUFM, qui dépend évidemment des situations académiques. Certains en ont énormément souffert, des sites ont été fermés, des enseignants ont dû demander leur mutation, des budgets ont été retirés, puis d'autres académies où ça s'est un peu moins mal passé. Une réforme qui a touché aussi bien sûr les UFR, puisque les UFR assurent conjointement avec les IUFM la formation des enseignants, et on sait les difficultés engendrées par la préparation des concours avec un calendrier totalement aberrant, et puis ces nouveaux masters où on doit en deuxième année de master métier de l'enseignement, donc accumuler à la fois une préparation de concours, des éléments de formation professionnelle, une initiation à la recherche et en plus des certifications en langue et en informatique. Alors la conséquence ne s'est pas fait attendre, c'est-à-dire que les étudiants ont boudé, se sont détournés de ces formations et on a vu une chute du nombre d'étudiants candidats au concours. Les places ont été considérablement réduites depuis 2005. Si je prends le CAPES, on est passé donc de presque 8000 postes en 2005 à actuellement pour 2012 on sera à 4847 postes, donc effectivement un effondrement des postes, mais surtout un effondrement aussi du rapport entre le nombre d'inscrits et le nombre de postes, c'est-à-dire qu'en 2006 on avait un nombre de présents par rapport au nombre de postes, une différence, donc il fallait multiplier par 7, il y avait 7 fois plus de présents que de postes. Or actuellement on est sur une multiplication entre 2 et 3, donc c'est vraiment qu'on a non seulement un effondrement des postes mais surtout un nombre de candidats qui est en chute libre. Alors pour autant, même si le diagnostic est largement partagé, la question n'est pas réglée. On est, pour ainsi dire, au milieu du guet, c'est-à-dire qu'il y a un large consensus pour dire qu'il faut refaire autre chose, qu'il faut reconstruire une formation des enseignants. Et donc, il nous a paru important de participer à cet appel pour montrer d'une part qu'il y avait toujours une force de mobilisation importante sur cette question, qu'il n'y avait pas d'accoutumance à une situation qui reste intolérable, et puis pour rappeler un certain nombre de points essentiels, de principes, d'objectifs, qui ne constituent pas une réforme alternative clé en main, qui serait toute prête, pas du tout, mais un certain nombre de point essentiel sur lequel nous voulions insister. Alors, nous avons utilisé une formulation qui a parfois été décriée en disant « rouvrir en urgence le dossier de la formation des maîtres », quel euphémisme. Il est clair qu'il s'agit bien sûr de reconstruire cette formation, bien sûr, de faire une toute autre réforme, mais qu'il faut aussi prendre un certain nombre de mesures d'urgence dès la rentrée, puisqu'on sait que cette formation des enseignants ne sera pas entièrement réformée en septembre 2012, pour des raisons de calendrier évidentes. Alors, les points importants que nous avons souligné dans cet appel, c'est d'une part rappeler que la formation des enseignants est la mission spécifique des IUFM, même si elle est assurée conjointement par les UFR. Cette mission spécifique des IUFM est inscrite dans le code de l'éducation et il serait bien évidemment vain de jouer l'opposition entre formation professionnelle et formation disciplinaire. Ce sont bien les IUFM et les UFR qui conjointement doivent s'occuper de la formation des enseignants. Et ça avait d'ailleurs été une des spécificités de la coordination nationale formation des enseignants. C'était une coordination où il y avait beaucoup de représentants des IUFM, mais également des représentants des UFR, puisqu'il ne s'agissait pas du tout de rentrer dans une guerre totalement délétère entre deux camps qui se seraient assassinés mutuellement. Nous avons tenu aussi à dénoncer, donc, bien sûr, l'objectif d'économie de moyens et de suppression de postes comme seul horizon de cette réforme. C'est ainsi qu'elle a été conçue. C'était évidemment pas pour, dans l'intérêt des élèves, ni pour améliorer l'enseignement primaire ou secondaire. Une telle amélioration du primaire et du secondaire impliquerait évidemment un diagnostic précis de la situation qui n'a pas été fait, et puis surtout une large réflexion collective de tous les acteurs concernés par cette formation des enseignants et par l'enseignement, sous la forme par exemple de grandes assises ou d'états généraux pour la formation des enseignants, ce qui n'a évidemment pas eu lieu. Alors une toute autre réforme de la formation des enseignants impliquerait au minimum, bien sûr, et pas seulement, mais au minimum une véritable formation professionnelle qui soit fondée sur une véritable alternance avec des périodes d'enseignement théorique, de formation pratique et surtout une articulation entre les deux et une entrée progressive dans le métier. Parmi les principes essentiels, il faudrait également, bien sûr, insister sur l'affirmation du cadre national pour la formation des enseignants. C'est la condition sine qua non pour qu'il perdure une éducation nationale et non pas des éducations locales différentes selon les académies. Or, les dispositions qui ont été prises par le gouvernement actuellement tendent à donner toujours une plus grande latitude aux recteurs des académies, aux chefs d'établissement, pour déterminer les formations, et les dispositions gouvernementales argue aussi donc de l'autonomie des universités pour, en l'occurrence, remplacer un cahier des charges national de la formation des enseignants par un simple référentiel de compétences en mai 2010. Bon, c'est une décision qui a été annulée par le Conseil d'État, mais depuis, les députés et le gouvernement essayent de trouver des solutions alternatives pour justement sortir de cette opposition avec le Conseil d'État, un projet de loi qui a été adopté à l'Assemblée et qui visait à réécrire le Code de l'éducation, mais qui, heureusement, n'a pas été... le Sénat a refusé de le mettre à l'ordre du jour. Et puis, très récemment, puisque ce matin même était examiné en CNESER, donc un nouveau projet de cahier des charges de la formation des enseignants, mais qui ne règle aucun des problèmes qui ont été soulevés et qui a été donc éminemment critiqué à la fois par les organisations syndicales, mais aussi la CPU et la CDUFM. Donc une unanimité totale sur ce mauvais cahier des charges. Autre point essentiel, une éducation nationale en République implique le maintien du recrutement des enseignants donc par concours de la fonction publique d'État. L'enjeu est d'éviter évidemment le localisme des recrutements et des situations, pour ainsi dire, féodales. Les concours nationaux de recrutement pour une fonction publique d'État ne sont évidemment pas à prendre comme une sorte de privilège, d'acquis et de privilège. Ce n'est pas du tout ça. C'est bien sûr, bien évidemment, la condition de l'exercice serein également, l'exercice serein du métier d'enseignant, loin d'une part de la précarité des contractuels, mais aussi des pressions ou férules locales qui ne peuvent être que nocives pour l'exercice de ce métier. Sans pour autant que ce métier soit affranchi de tout contrôle, puisqu'il existe des corps d'inspection dédiés à ces questions-là. Il ne s'agit pas non plus de basculer dans ce qu'on appellerait la fonction publique territoriale. Si on bascule dans la fonction publique territoriale, les enseignants, les lauréats des concours, seraient alors sur une liste d'aptitudes et devraient donc se présenter à l'embauche auprès des recteurs ou des chefs d'établissement, et on retomberait à ce moment-là dans des situations favorisant le localisme, ce que l'on souhaite évidemment éviter. Enfin, l'appel a insisté sur la nécessité donc d'un recrutement à la hauteur des besoins. Bon, on sait, on connaît les amputations imposées donc depuis plusieurs années. Le nombre de postes au concours doit évidemment à nouveau augmenter, puisque la France réussit ce tour de force d'avoir le taux d'encadrement des élèves le plus faible de l'OCDE. En moyenne, donc, c'est un taux d'encadrement de 6,1 enseignants pour 100 élèves étudiants en moyenne. Donc, si on prend le cas de l'école primaire, le taux est simplement de 5 enseignants pour 100 élèves dans les écoles primaires. Il est de 7,5 pour les collèges et lycées, ce qui en fait un taux moyen à l'échelle de l'OCDE. Donc là, on est vraiment sur la nécessité d'un rattrapage extrêmement important pour ces recrutements d'enseignants. Et ce n'est pas simplement une question de moyens pour les moyens. Alors, la coordination avait voté un certain nombre de motions, etc. Tous les éléments n'ont pas été repris dans cet appel, puisqu'il a été rédigé de façon extrêmement synthétique. Il visait à signaler certains points essentiels qui ne font pas une réforme en tant que telle, une autre réforme en tant que telle, mais qui peuvent servir donc de pierre de touche, de pierre d'achoppement pour éprouver des scénarios alternatifs à la situation actuelle. Deux autres éléments sur lesquels la coordination avait beaucoup insisté en 2009-2010, c'est effectivement la nécessité de démocratiser l'accès au métier d'enseignant et de ne pas le réserver à une élite, alors que les dispositions actuelles, avec l'allongement des études impliquées et surtout une date de concours extrêmement tardive, fait que des étudiants sans pré-recrutement, avec à peine de bourse, sont obligés d'enchaîner un grand nombre d'années d'études avant de pouvoir accéder au professorat, ce qui explique donc cette désaffection. Et elle se fait de façon extrêmement différente selon les catégories socio-professionnelles d'origine, les catégories sociales d'origine. Et enfin, la coordination avait évidemment appelé à des états généraux ou des grandes assises sur la formation des enseignants afin de bâtir collectivement, ce que le gouvernement n'a pas su faire, de bâtir collectivement donc une toute autre réforme de cette formation.